Les édiles curules étaient à Rome les magistrats chargés de la police, de la voirie, de l'approvisionnement et des jeux publics. Aulus Hostilius Mancinus, étant édile curule, cita un jour à comparaître devant le peuple la courtisane Mamilia, parce que, du haut de sa galerie, elle lui avait lancé pendant la nuit une pierre qui l'avait blessée. Et il montrait la blessure à la foule. Mamilia porta l'affaire devant les tribuns du peuple. Elle dit que Mancinus, au sortir de table, s'était présenté chez elle, que, comme la loi lui défendait de recevoir, et qu'il voulait entrer de force, elle s'était vue obligée de le repousser à coups de pierre. Les tribuns jugèrent qu'un édile qui, la couronne sur la tête, se présentait ainsi devant une telle maison, méritait d'être chassé de cette manière. En conséquence, ils lui défendirent de porter plainte devant le peuple.